mes bien chers copains et copines, c'est avec une joie intérieure immense que je vous annonce la résurrection de la messe à gogo. Intègre-toi à ta communauté, allons, ne te fais pas prier, va-t-il falloir te chercher, allez, entre dans l'assemblée. Voici venu le moment du sermon, mais rassurez-vous, il sera court et bref. Mes chers copains et copines, ne méfiez-vous tous de la tentante tentation du malin. Aujourd'hui.